Bonjour, vous écoutez le podcast de la Société française des études japonaises. Je suis Grégoire Sastre et aujourd'hui je reçois Anne-Lise Mitou, maîtresse de conférence à l'Université Paris Diderot. Elle est spécialiste de sociologie et plus précisément du handicap au Japon et en France. Elle a traité cette question dans une thèse de doctorat soutenue en 2015 à l'Université Paris Dauphine intitulée « Compétences pédagogiques et besoins éducatifs particuliers, les écoles d'aveugles à l'heure de l'inclusion, perspectives franco-japonaises », ainsi que dans de nombreux articles. Donc, bonjour Anne-Lise, et bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, je te propose de nous parler de ton travail de doctorat, vu que c'est, j'imagine, le plus long et le plus important pour l'instant. Et donc, c'était un travail qui traitait sur des éducateurs spécialisés pour enfants aveugles au Japon et en France. Et donc, avant toute chose, je te propose de nous donner une perspective historique sur la question. Ton travail porte plutôt, je crois, sur les années 2000-2010. Nous dire un petit peu comment ces enfants handicapés étaient traités avant par la société japonaise, comment est-ce qu'ils y étaient intégrés. Oui, tout à fait. Quand on parle d'éducation spécialisée, je pense que c'est important de remonter à ce qui s'est passé à l'ère Meiji, puisqu'en fait, c'est à l'ère Meiji que l'éducation spécialisée a été créée au Japon. Ça n'existait pas dans la période prémoderne. Donc, il faut avoir en tête que parmi le flot d'informations venues de l'Occident qui est arrivé donc au Japon à partir de la fin de la période Edo, il y a eu des informations justement sur l'éducation spécialisée en Occident, puisqu'à ce moment-là, il y avait déjà des écoles d'aveugles et des écoles de sourds dans certains pays d'Europe et aux États-Unis. Et un certain nombre de Japonais intéressés par les questions d'éducation, donc qui étaient souvent soit des personnes qui étaient déjà des enseignants avant le début de l'ère Meiji, soit des personnes qui se sont converties au christianisme au début de l'ère Meiji. Donc ces personnes étaient intéressées par l'éducation spécialisée en tant qu'œuvre de charité qui permettait de donner un accès à l'éducation à des enfants qu'on ne savait pas vraiment éduquer précédemment. Et donc, ce sont ces personnes qui ont créé de leur propre initiative, donc c'est des écoles qui étaient privées à la base, donc ces personnes ont créé des écoles pour les enfants aveugles et pour les enfants sourds. Les autres types de handicap n'étaient pas trop concernés. Et donc, on a eu la première école pour enfants aveugles et sourds, parce qu'on comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on mettait en général les enfants dans la même école. Donc la première école pour enfants aveugles et sourds, elle a été créée à Kyoto en 1878. Et ensuite, inspirée par ce modèle-là, on a eu d'autres écoles qui ont fleuri au Japon tout au long de l'ère Meiji. Mais donc, ces écoles se battaient un petit peu pour leur survie, puisqu'elles n'avaient pas de soutien officiel de l'État. Elles pouvaient éventuellement avoir un soutien des gouvernements locaux, mais elles manquaient terriblement d'argent et donc elles avaient très peu d'élèves et très peu de matériel. Donc jusqu'à l'ère Taisho, en fait, jusqu'au début des années 1920, on a très peu de soutien et c'est seulement en 1919 qu'on commence à avoir une loi qui donne du soutien de la part de l'État à ces écoles. Donc, elles deviennent soutenues. Il y a un système de formation des enseignants, un programme scolaire qui se met en place. Donc, ça commence à ressembler un petit peu ce qu'on appelle communément une école. Mais pour autant, l'éducation n'est pas obligatoire. Elle deviendra obligatoire seulement en 1948 pour les enfants aveugles et pour les enfants sourds, toujours. Il y a des raisons particulières à ce changement dans les années 20 ? C'est une question, je pense, de lobbying de la part des éducateurs, et donc on ne peut pas encore appeler des enseignants, mais des éducateurs qui travaillent dans ces écoles, qui commencent à être de plus en plus nombreux et qui arrivent petit à petit à faire valoir auprès du gouvernement qu'ils ont besoin d'un soutien financier plus important. Et puis, en 48, le changement, c'est lié à la loi fondamentale sur l'éducation. Donc, on refond un petit peu toutes les politiques en matière d'éducation. Je voulais juste insister sur le fait que jusqu'en 48, enfin, En 48, encore, on ne parle que des enfants aveugles et des enfants sourds dans la loi, parce que pour l'obligation d'éducation pour les enfants qui ont un handicap physique ou un handicap mental, ça n'arrivera qu'en 1977. D'accord. Donc c'est quand même 30 ans plus tard. Et donc, en 77, on rend obligatoire l'éducation pour, en fait, tous les enfants, cette fois-ci, sans distinction de handicap. Tous les enfants sont maintenant obligés d'être éduqués. Et pour les enfants handicapés, c'est une obligation d'éducation en école spécialisée. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les envoyer, par exemple, dans l'école primaire de leur quartier. Il faut aller dans une école spécialisée dans un type de handicap précis. Et donc, justement, dans les années 80, et même dès la fin des années 70, on critique déjà le mouvement des personnes handicapées, critique ce mouvement en disant que c'est un système qui est basé sur une forme de ségrégation qui va exclure les personnes handicapées du reste de la société dès leur enfance. Et donc, on essaye de promouvoir plutôt ce qu'on va appeler ensuite l'éducation intégrative ou l'éducation inclusive. Donc, on essaye de lancer des initiatives, justement, pour que des enfants en situation de handicap puissent être accueillis plutôt dans l'école ordinaire de leur quartier, plutôt que dans une école spécialisée à l'autre bout du département. Et donc, le mouvement va faire son chemin pendant les années 80, les années 90, et il y aura une grande réforme en 2006-2007 qui va poser pour base qu'un enfant doit être inscrit dans l'école ordinaire de son quartier avant tout. Et si jamais la scolarisation en école ordinaire n'est pas possible, on fait une exception et on l'envoie en école spécialisée. Donc, l'éducation en école spécialisée continue tout à fait à exister, mais on change de philosophie, on dit que c'est quelque chose qu'on fait seulement quand l'éducation ordinaire n'est pas possible. D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment... je pense qu'on peut à peu près imaginer quelles sont les différences entre l'école ordinaire et l'école spécialisée, mais peut-être que tu as des précisions à apporter là-dessus. Est-ce qu'il y a des différences qui ne seraient pas, mis à part le fait qu'un enfant voilà, qui a un handicap trop lourd a besoin d'un traitement spécialisé, est-ce qu'il y aurait des différences que tu souhaiterais expliquer ou, Alors, je pense qu'en fait, c'est très différent selon le type de handicap duquel on parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les écoles d'aveugles et dans les écoles de sourds, on traite exactement le même programme que dans les écoles ordinaires. On utilise les mêmes manuels scolaires. Dans les écoles pour aveugles, ils ont été adaptés en braille ou en gros caractères, mais on utilise exactement le même programme. Et donc, chaque année, on suit exactement le même programme, puisque l'objectif est que les enfants, à la fin de leur scolarité, aient exactement la même éducation que les enfants qui auraient suivi la scolarité obligatoire ailleurs. Donc, pour ces enfants-là, il n'y a pas de différence au niveau du contenu de l'éducation. Par contre, il y a une différence au niveau des méthodes pédagogiques employées. Donc, on aura des méthodes pédagogiques adaptées au type de handicap. Et surtout, les effectifs dans les classes sont très réduits par rapport à l'éducation ordinaire. Donc, dans une école pour enfants aveugles, on a peut-être 3 enfants par classe, 2 enfants par classe. Parfois, il y a même un seul enfant dans une classe. Donc, ça pose toutes sortes d'autres problèmes dont on aura l'occasion de reparler. Mais effectivement, donc, l'apparence est la même que l'éducation ordinaire, mais sur les questions vraiment de pédagogie et d'organisation de la classe, c'est quand même un monde éducatif qui est très différent. D'accord. J'imagine, enfin, peut-être que je me trompe, mais j'imagine que la raison pour laquelle c'était durant l'Hermégie, d'abord les sourds et muets qui avaient droit à cette éducation spécialisée, c'était peut-être parce qu'on considérait que c'était plus facile de les intégrer ensuite à la société en tant que travailleurs et ainsi de suite, plutôt que des personnes ayant un handicap moteur, peut-être jugées moins aptes à l'époque. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est à peu près ça? Effectivement, c'est tout à fait ça. Justement, en fait, un des premiers promoteurs de l'éducation spécialisée, c'était Yamao Yozo, donc qui est aussi le père de la formation des ingénieurs au Japon, qui était donc quelqu'un qui était tout à fait occupé par le développement de l'industrie japonaise. Et donc, ce monsieur a écrit un livre blanc sur l'éducation des personnes handicapées. Et dans ce livre blanc, il écrit écrit très clairement que l'objectif de l'éducation pour ces personnes, c'est de les faire passer d'un état d'inutilité pour la société à un état d'utilité. Donc de les mettre en action pour le développement économique du Japon. Le choix des mots. Je pense qu'on aura la possibilité de toute façon de revenir dessus parce qu'ensuite on abordera les questions notamment des mouvements des handicapés, puis ensuite du travail pour les handicapés au Japon. Et donc sur ta thèse, donc encore une fois tu t'es intéressé donc très précisément aux éducateurs spécialisés travaillant avec des enfants aveugles. Est-ce que tu peux nous exposer l'objectif peut-être de ta thèse et la méthodologie employée, parce que je te rappelle, tu as fait une thèse de sociologie, donc pour les auditeurs qui ne sauraient pas, voilà, en sociologie, une partie de la sociologie travailler en faisant des enquêtes, rencontrer directement les acteurs et peut-être même assister à leur travail. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors en fait, pour ma thèse, j'avais choisi un sujet qui était relativement restreint, c'est-à-dire que je me suis concentrée uniquement sur les écoles spécialisées. Donc, alors, je suis aussi allée voir dans des écoles ordinaires, mais ça n'était pas le but premier de ma thèse. En fait, mon objectif dans cette thèse, c'était de me poser la question, en cette période où on ne parle que d'éducation inclusive, d'éducation en école ordinaire, que deviennent les écoles spécialisées, qui sont quand même, qui étaient jusqu'à présent le cœur du système éducatif pour les enfants handicapés. D'un seul coup, on a promu une loi qui dit en quelque sorte que, idéalement, ces écoles ne devraient pas exister. Donc, je me suis demandé quelles sont les conséquences pour ces écoles. Est-ce que ça change quelque chose en termes d'éducation, en termes d'organisation? Et comment est-ce que les écoles spécialisées gèrent donc ce passage à la philosophie de l'éducation inclusive? Et donc, pour faire cette thèse, en fait, j'ai fait une thèse qui n'était pas centrée uniquement sur le Japon. En réalité, j'ai fait une thèse comparative entre le Japon et la France. Simplement parce que je pensais que c'était important d'avoir un point de repère pour moi avant d'aller au Japon, de comprendre un petit peu aussi la situation française. Je crois que comme tu l'expliques dans ta thèse, c'est quoi en 2005, il y a des réformes qui ont lieu à peu près au même moment en France et au Japon pour favoriser donc cette éducation inclusive. Oui, donc tout à fait. Ça donnait historique. Qui, bon, on va dire que ça permettait d'imaginer que les deux sociétés partaient sur le même pied, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui était évidemment intéressant pour la comparaison. C'est que la France a mis en place, effectivement, une loi qui, dans le principe, ressemble beaucoup à celle qui a été mise en place au Japon, à peu près au même moment. Donc, effectivement, la comparaison paraissait intéressante à ce titre-là, même si, évidemment, la mise en pratique n'est pas du tout la même dans les deux pays. Et donc, pour aller regarder la situation des écoles spécialisées en France et au Japon, donc, je suis effectivement allée vraiment dans des écoles. Alors, en France, je me suis centrée, en fait, sur une seule école parce que j'ai eu la chance de pouvoir être embauchée dans une école pendant un an en tant qu'assistante d'une enseignante qui était elle-même malvoyante. Qui était même non-voyante. Et donc, j'ai pu travailler dans l'école pendant un an. Donc, j'étais au contact des enfants, j'étais à mi-temps. Mais donc, j'étais la moitié de la semaine dans la salle de classe et je faisais un certain nombre de tâches éducatives directement au contact des enfants. Et j'en ai profité pour faire des interviews aussi d'autres enseignants qui n'étaient pas dans la classe dans laquelle j'étais. Mais ça m'a donné une vision assez concrète du quotidien de ces écoles. Et au Japon, donc, malheureusement, je n'ai pas pu être embauchée dans des conditions de la même manière sur le long terme donc, qu'en France. Donc, pour combler un petit peu cette lacune, alors je me suis dit que j'irais voir des écoles spécialisées moins longtemps, mais j'irais voir plus d'écoles spécialisées. Et donc, je suis aussi allée faire des observations en classe et des interviews d'enseignants dans les écoles japonaises. Donc juste pour nous donner une idée, tu as vu environ combien d'écoles au Japon? Est-ce que tu as un chiffre pour ton nombre d'interviews Alors, pour les écoles spécialisées en déficience visuelle qui m'ont vraiment servi pour ma thèse, j'en ai visité 6. Et ensuite, j'ai vu des écoles spécialisées dans d'autres types de handicap. Je suis aussi allée voir des écoles ordinaires pour avoir un panorama un peu plus large de l'éducation des enfants handicapés au Japon. Et pour les interviews qui m'ont servi dans ma thèse, j'en ai fait, j'ai plus le chiffre exact, mais une trentaine ou une quarantaine, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, quel résultat tu peux tirer de ces interviews et de ces visites par rapport donc à la pratique finalement de ces éducateurs spécialisés? Est-ce qu'il y a, il y a aussi pour les enfants, est-ce qu'il y a finalement effectivement moins d'enfants dans ces écoles spécialisées, ou est-ce que le nombre est resté le même, et si oui, pour quelle raison? Alors justement, un point commun très important que j'ai trouvé entre la France et le Japon à ce titre-là, c'est que le nombre d'enfants dans les écoles spécialisées n'est pas vraiment en diminution, mais par contre, le profil des enfants est en très forte évolution, encore plus en France qu'au Japon d'ailleurs. Pourquoi? Parce que en réalité, donc, les enfants, alors si on parle uniquement de la déficience visuelle, aujourd'hui, les enfants qui n'ont entre guillemets que la déficience visuelle, alors surtout les enfants qui sont seulement malvoyants, vont être de manière plus intense qu'autrefois aiguillés vers les écoles ordinaires de leur quartier. Donc, ils ne vont plus en école spécialisée. Et donc, ça libère en quelque sorte des places en école spécialisée pour des enfants qui ont des handicaps plus lourds. Donc, en général, qui ont par exemple, des handicaps autre que la déficience visuelle, enfin, c'est-à-dire une déficience visuelle plus d'autres handicaps associés. Donc, par exemple, déficience visuelle et handicap mental. Donc, ce sont des enfants qui, avant, avaient moins de chances d'intégrer, ne serait-ce que des écoles spécialisées, en fait. Bah, c'était des enfants, effectivement, qui allaient être, ou alors qui allaient être dans d'autres types d'écoles spécialisées. Par exemple, des enfants qu'on aurait mis dans des centres d'éducation qui étaient moins calqués sur le modèle de l'école. Donc, notamment dans des centres pour les enfants qui ont un handicap mental. D'accord. Donc, on va transférer en quelque sorte ces enfants dans des écoles qui ont un objectif un petit peu plus scolaire. Pour revenir sur les enseignants, quelle perception ils ont de leur travail actuellement? Comment est-ce qu'ils se voient? Est-ce qu'ils trouvent que la situation s'est améliorée? Qu'est-ce qu'ils pensent par ailleurs de ces réformes? Enfin, que t'ont dit ces interviews? Alors, donc, justement, donc, les enseignants, finalement, des écoles spécialisées, les enseignants se retrouvent justement face à un public qui est un petit peu nouveau pour eux. Donc, globalement, des enfants qui ont des handicaps plus lourds et des handicaps autres que la déficience visuelle. Alors, en France, ça mène à des situations qui peuvent être relativement compliquées parce que les classes sont quand même relativement nombreuses. Alors, c'est-à-dire qu'on a 10-12 enfants par classe. Et 10-12 enfants par classe, quand on compte des enfants qui ont, par exemple, des troubles du comportement ou un handicap mental ou des enfants autistes, qui ont parfois donc des difficultés de communication qui peuvent mener à un certain nombre de frictions à l'intérieur de la salle de classe, ça peut mener à des choses assez compliquées à gérer pour les enseignants. Et donc un certain nombre d'enseignants que j'ai rencontrés en France se retrouvaient un petit peu débordés par rapport à cette situation, et un certain nombre se sentaient aussi un petit peu frustrés du fait qu'ils avaient des compétences très poussées en éducation des enfants déficients visuels, et finalement ils n'utilisent plus tant que ça ces compétences-là, puisque les enfants qui ont besoin de ces compétences pédagogiques sont plutôt maintenant dans les écoles ordinaires. Et la formation, elle évolue en France Alors la formation est en train d'évoluer. Justement, maintenant, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on embauche dans les écoles spécialisées justement des enseignants ou des éducateurs qui ont des formations moins poussées en déficience visuelle, mais c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, et notamment pour les enseignants qui sont là depuis longtemps, qui ont, eux, passé un concours qui est vraiment très différent du concours... en France, les écoles spécialisées ne sont pas gérées par l'éducation nationale, c'est géré par le ministère de la Santé. Et donc les enseignants passent un concours du ministère de la Santé qui n'a rien à voir avec le CAPES. Ils ne sont pas certifiés ou agrégés. C'est quelque chose de vraiment complètement différent, avec une formation à part, une formation qui peut durer jusqu'à 5 ans. Ouais. Donc pour obtenir des compétences qui sont vraiment extrêmement poussé. Par exemple, il y a un concours pour les enseignants de musique dans les écoles d'aveugles. C'est un concours complètement différent du concours de professeur de musique ordinaire. Ces enseignants qui ont des compétences extrêmement spécifiques se retrouvent un petit peu mis devant le fait accompli que aujourd'hui les enfants qu'ils ont devant eux dans leur classe n'ont plus besoin de ces compétences-là. Donc un certain nombre d'enseignants prennent sur eux de se former à d'autres choses à côté, se former aux troubles du comportement ou se former à l'autisme pour justement être un petit peu mieux armés face aux élèves qu'on met maintenant dans leur classe. Et donc, rapidement, au Japon, par contre, ils ont aussi de plus en plus d'élèves dans leur classe, ou est-ce que... Alors justement, non. Au Japon, on a adopté une technique inverse. En fait, c'est la règle de base du système éducatif japonais. Au Japon, on considère que un enfant doit être dans la classe qui correspond à son âge, donc il n'y a pas du tout de question de redoublement ou de sauter une classe en fonction du niveau. Donc on met simplement les enfants en fonction de leur âge, et il se trouve que des enfants en école d'aveugles qui soient exactement du même âge, il y en a peu. Donc on ne va pas chercher justement à réunir plus d'enfants dans la même classe, on va simplement faire créer une classe. Dès qu'il y a un enfant qui a un âge, on crée une classe pour lui. Et en plus, on sépare d'un côté les enfants qui ont seulement la déficience visuelle, puisqu'il en reste quand même quelques-uns, et les enfants qui ont déficience visuelle et handicap associé. Et donc ça fait des écoles dans lesquelles on a une segmentation en classe qui est très importante. Et c'est pour ça qu'on se retrouve donc parfois avec des classes dans lesquelles il n'y a qu'un seul élève. Et donc l'enseignant va être tout seul avec cet unique élève la journée. C'est un luxe. Et en même temps, ça peut avoir des effets un peu contre-productifs, parce que la situation de cours particulier, alors effectivement, ça fait une pédagogie très individualisée, mais en même temps, ça n'est pas très bon pour le développement des capacités de communication. Ouais, donc, ça pose des problèmes de désociabilisation aussi. Oui, tout à fait, parce que justement, les enfants ont finalement assez peu d'occasions d'être en groupe. Alors, les enseignants font des efforts pour créer des occasions de les mettre en groupe dans des activités comme le sport, par exemple. Mais en fait, une grande partie de la pédagogie, finalement, qui va être mise en œuvre dans ces écoles, ça va être d'essayer d'inventer justement un collectif qui n'existe pas. D'accord. Pour entraîner les enfants à une situation de sociabilité, en fait, tout simplement. D'accord. Et donc, dans quelle mesure est-ce que ces changements, le travail des enseignants, enfin, manière d'enseigner, dans quelle mesure est-ce que ces systèmes sont parvenus à donner plus de place, on va dire, ça va me servir de transition pour passer au mouvement sur les mouvements des handicapés. Sont parvenus à donner plus de place aux individus, dans le sens plutôt que de les considérer comme des infirmes, finalement, de les considérer comme des individus ayant des besoins particuliers. Est-ce que ces réformes ont permis ça, en fait ? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend de quel côté du système éducatif on se place. Si on parle de ce qui se passe dans les écoles spécialisées, donc on a, en tout cas au Japon, une individualisation qui est très poussée du fait de cette situation pratiquement de cours particuliers. Donc on a une individualisation très poussée, mais justement la difficulté c'est de faire sortir ensuite les enfants de ce contexte où ils sont surprotégés en quelque sorte, où ils ont toujours des adultes partout autour d'eux. Dans les écoles, il peut y avoir plus d'adultes que d'enfants. Donc la grande question en fait qui se pose, c'est comment préparer les enfants à leur sortie dans le monde extérieur où, évidemment, ça n'est pas comme ça. Donc, c'est une question qui est très importante pour les écoles spécialisées et qu'on essaye de résoudre en développant la formation professionnelle, en essayant de développer des contacts avec le monde extérieur. Mais ça reste quelque chose qui est un petit peu compliqué parce que malgré tout, les écoles spécialisées sont très fortement séparées des écoles ordinaires. Il y a une sorte de barrière qui est difficile encore à lever. Par contre, pour les enfants qui sont dans le système ordinaire, donc qui sont cette fois-ci en inclusion dans des classes ordinaires, donc là, pour le coup, eux ont directement l'habitude du monde extérieur, mais la difficulté, justement, c'est que dans une classe avec 40 élèves, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place une pédagogie individualisée. Dans un article, je crois, en attente de publication, dans la revue Cipango, donc intitulé « Aoi Shibai no Kai », donc un mouvement de personnes handicapées face à l'eugénisme. Tu abordes donc l'histoire du mouvement des handicapés afin de faire avancer leur reconnaissance sociale, leur place au sein de la société, en l'occurrence, pour le coup, plus en France, mais uniquement au Japon. Donc un mouvement qui apparaît dans les années 70, et donc en particulier cette association Aoi Shibai no Kai qui rassemble des victimes de paralysie cérébrale. Donc que peut-on nous dire sur les origines de cette association et le rôle qu'elle joue dans ce mouvement? Alors effectivement, c'est une association qui a joué un rôle absolument crucial dans l'histoire des mouvements de personnes handicapées au Japon, parce qu'il faut avoir en tête que dans l'après-guerre, alors il existait le mouvement des invalides de guerre, donc qui était mené essentiellement par des personnes qui avaient perdu un membre ou subi une amputation pendant la Seconde Guerre mondiale, en dehors des invalides de guerre, donc pour les invalides civils, ces personnes étaient très peu représentées sur la scène politique, et notamment pour les personnes qui avaient un handicap lourd ou un handicap mental, ces personnes étaient essentiellement représentées par des associations de parents. Et donc, Aoi Shibai no Kai, c'est une association qui s'est créée dans les années, à la fin des années 40, début des années 50. Ce sont des personnes qui sortaient, des anciens élèves d'une ancienne école d'une école spécialisée qui se trouve à Tokyo, des personnes qui avaient une paralysie cérébrale. Et donc, ces personnes ont créé une association pour pouvoir continuer à échanger entre elles après leur sortie de l'école spécialisée. Et petit à petit, ces personnes ont commencé à avoir un discours un peu plus politisé, notamment avec l'idée que finalement, sur la scène politique, on entendait la voix de leurs parents, mais on n'entendait pas leur propre voix. Et l'idée était de dire que la voix des parents n'est pas forcément représentative de ce que pensent réellement les enfants, notamment du fait que, à ce moment-là, le mouvement des parents était essentiellement était essentiellement orienté vers l'idée de réclamer plus d'établissements spécialisés, plus d'écoles spécialisées, plus d'endroits où mettre les enfants, mais d'endroits qui seraient très isolés du reste de la société. Mmh. Et donc, les membres d'Aoshibanokai considéraient que, pour eux, l'idéal, ça n'était pas forcément d'être dans un établissement spécialisé isolé du reste du monde. Ils auraient préféré qu'on mette en place un système qui leur permettrait, par exemple, d'avoir leur propre appartement et d'habiter en ville comme tout le monde. Dans cet article, je crois que tu parles notamment d'un des membres de cette association, dont le nom, je suis désolé, m'échappe maintenant, et notamment ses textes. Et l'une des questions qui est donc traitée, c'est notamment l'idée qu'il y avait des lois eugénistes au Japon, en fait, et donc il lutte notamment contre ces lois, considérant voilà, qu'il faut traiter les handicapés comme des individus comme les autres. Oui, tout à fait. Donc, c'est un élément absolument crucial dans l'action d'Aoshibanokai à cette période-là. C'est la lutte contre les politiques eugénistes, puisque donc il faut se rappeler que dans l'après-guerre, en 1948, le Japon a mis en place une loi qui s'appelait la loi relative à la protection eugénique. Et cette loi dit en son article 1 que l'objectif de cette loi est de prévenir la naissance d'une descendance de mauvaise qualité, d'un point de vue eugénique. Donc, cette descendance de mauvaise qualité d'un point de vue eugénique, ce sont notamment les personnes handicapées, puisqu'il faut se rappeler que donc dans l'après-guerre, le Japon est dans une situation un petit peu compliquée, puisque d'un côté, on a besoin de renouveler la population. On sait qu'on aura besoin de main-d'œuvre pour la reconstruction. Et en même temps, on n'a pas les moyens de nourrir beaucoup d'enfants, puisque le Japon est encore dans une situation un peu de pénurie. Et donc, le gouvernement japonais adopte cette loi, en quelque sorte, pour sélectionner la meilleure main-d'œuvre pour la future reconstruction. Et donc, la conséquence pratique de cette loi, c'est qu'on va notamment stériliser un certain nombre de personnes qui ont des handicaps qui sont considérés comme héréditaires et qui sont considérés comme non souhaitables pour la société. Donc, on aura des opérations de stérilisation qui vont être menées pendant les années 60-70. La loi va rester en vigueur jusqu'en 96. Donc toujours ce côté utilitariste envers les handicapés, hein. Soit on les forme pour qu'ils puissent travailler, ou là, ben, on s'en débarrasse finalement, objectivement, c'est ce qui se passe. Oui, tout à fait. Pour éviter d'avoir des gens qui sont dépendants, en fait. Oui, tout à fait. Au cœur de la réflexion sur le handicap, il y a vraiment cette idée d'utilité ou de mise en utilité des personnes. Donc, comment s'appelait ce militant C'est Yokozuka Koichi, qui était donc l'un des membres fondateurs et qui est devenu ensuite président d'Aoshibanokai. Et donc, il a écrit des textes vilipendant l'eugénisme. Tu veux nous en dire un petit peu plus ou... Oui, alors il faut peut-être se remettre dans le contexte de l'époque. En fait, il y a deux événements qui vont vraiment déclencher l'ire d'Aoshibanokai. Premier événement, c'est un procès, en fait, qui a lieu à Yokohama en 70. Donc, le procès, en fait, c'est le procès d'une femme qui a tué sa fille qui avait donc une paralysie cérébrale. Et donc, au moment du procès, il y a un grand mouvement populaire de soutien envers cette femme. C'est un mouvement qui est créé par des parents d'enfants handicapés qui se reconnaissent dans cette femme et qui expliquent que cette femme n'est pas une meurtrière, puisqu'en fait, elle a tué son enfant simplement parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, parce qu'il n'y avait pas d'établissement spécialisé à proximité de chez elle où elle aurait pu mettre son enfant dans de bonnes conditions. Donc, il y a un grand mouvement de soutien vis-à-vis de cette femme, et le juge va être sensible aux arguments de ce mouvement, et donc finalement, cette femme va être condamnée à une peine, mais qui est inférieure à la peine minimale qui est normalement requise en cas de meurtre. Donc ça veut dire que juridiquement, l'infanticide de cet enfant handicapé n'est pas qualifié comme étant un meurtre ordinaire, en tout cas. Ça a fait, ça a fait jurisprudence, ce jugement. Est-ce que par la suite, d'autres personnes qui ont tué leurs enfants, s'il y en a eu, ont eu le même jugement plus, on va dire, gentil? Alors ça, j'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette affaire a déclenché une grande colère donc, chez les membres d'Aoshiba no Kai, qui ont décidé justement de se mettre en action pour défendre l'idée que la vie d'un enfant handicapé devait être respectée au même titre que la vie d'un autre enfant ou d'une autre personne adulte même. Et donc, en insistant sur l'idée que le meurtre d'un enfant handicapé, enfin l'infanticide d'un enfant handicapé, est bien un meurtre. Et donc, Yoko Tsuka a écrit beaucoup de textes dans lesquels il explique finalement que la vie des personnes handicapées doit être respectée et que on ne peut pas se satisfaire d'une société qui aurait intériorisé l'idée de l'eugénisme et l'idée de l'inutilité et du malheur fondamental des personnes handicapées. En tout cas, il défend l'idée que les personnes handicapées doivent avoir le droit de défendre leur propre vie et leur propre droit à exister comme tous les autres êtres humains. Juste pour donner une précision, les victimes de les gens qui ont une paralysie cérébrale, juste pour les auditeurs, qu'est-ce que ça fait? Alors il y a beaucoup de formes différentes de paralysie cérébrale. En général, les gens ont d'assez importantes difficultés d'élocution, donc ils n'ont pas du tout de handicap mental, mais ils ont des difficultés d'élocution qui sont très importantes, qui peuvent aller de simplement une élocution assez difficile à comprendre à pas du tout possible de parler. D'accord. Et donc ensuite, il va y avoir des personnes qui vont être vraiment en fauteuil roulant, qui auront du mal à accomplir les gestes de la vie quotidienne. Mais il peut aussi y avoir des personnes qui peuvent marcher debout, qui vont avoir peut-être une main qui sera un peu paralysée. Donc il y a vraiment des degrés très, très divers dans cette catégorie. Merci pour cette précision. Donc évidemment, si on parle des années 70, bon, ça, donc un mouvement voilà, social, ça fait, enfin, en tout cas moi évidemment ça me fait penser au mouvement, en tout cas autour du 68 japonais, même si la période est beaucoup plus longue, hein, des années 50 aux années 80. Et évidemment, on pense au mouvement à la fois au mouvement de féministes, parce que j'imagine que c'est les questions voilà, du fait de se débarrasser des enfants potentiellement handicapés, ça peut être lié aux questions d'avortement, même si je ne sais pas si à l'époque déjà on avait beaucoup de tests sur le handicap que pouvait avoir un fœtus. Et donc, est-ce qu'il y a un lien, en fait, avec... et oui, par ailleurs, mais bon, je pourrais toujours reposer la question, mais aussi, évidemment, il y a voilà, le scandale de Minamata, ainsi que les scandales liés à la pollution de l'air des industries japonaises. Hein. À l'époque, il y avait très peu de régulation. Et donc, il y a eu quelques procès retentissants dans ces années-là. Donc, est-ce que voilà, ce mouvement de défense des handicapés a trouvé des points de liaison avec ces mouvements, à la fois les mouvements féministes, les mouvements des femmes et ceux des victimes de la pollution industrielle. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que effectivement, on peut se dire qu'il y a beaucoup de points communs entre ces différents mouvements. Et effectivement, Aoshiba no Kai finira par nouer des coopérations avec d'autres mouvements. Mais dans les années 60-70, en réalité, c'est des rapports qui sont essentiellement conflictuels avec les autres mouvements sociaux. Alors, l'exemple du mouvement féministe est particulièrement intéressant. Alors, il faut rappeler, et ça c'est important, que dans les années 60-70, à la tête d'Aoshiba no Kai, il n'y a que des hommes, comme dans la plupart des mouvements sociaux de cette époque, sauf le mouvement féministe. Donc, les femmes dans la direction d'Aoshiba no Kai arriveront beaucoup plus tard, et justement, C'est peut-être avec leur arrivée que les relations vont être un peu moins tendues. Mais donc, dans les années 60-70, il n'y a que des hommes à la tête d'Aoi Shibanokai et le discours d'Aoi Shibanokai peut être qualifié d'un petit peu misogyne. Pourquoi ? Parce que justement, les membres d'Aoi Shibanokai se pose là, effectivement la question de l'infanticide et de l'avortement. Alors justement, les diagnostics prénataux commencent à apparaître à la fin des années 60. Et donc, se pose la question de comment traiter ces questions d'infanticide et d'avortement. Donc la réaction de la part des membres d'Aoi Shibanokai, c'est tout à fait catégorique. L'infanticide et l'avortement, c'est la faute des femmes. Les femmes sont toutes potentiellement des meurtrières. Et ça se voit particulièrement en 72, au moment où il y a une proposition de révision de la loi justement de protection eugénique qui comporte des paragraphes sur l'avortement. Donc il est question de restreindre l'accès à l'avortement, mais d'ajouter une clause qui autoriserait l'avortement en cas de détection d'un handicap dans le fœtus. Donc, les mouvements féministes sont évidemment opposés à cette révision de loi parce qu'elle restreint l'accès à l'avortement. Les mouvements de personnes handicapées sont aussi opposés à cette proposition parce qu'il y a cette question de clause concernant donc la détection d'un handicap dans le fœtus. Donc les deux mouvements sont opposés à cette proposition, mais ils sont opposés à cette proposition avec des arguments qui sont tellement opposés entre eux que finalement ils ne vont jamais réussir à se mettre d'accord. Et peut-être on peut citer ce slogan de Aoi Shibanokai à ce moment-là. C'est le slogan « Hahayo kolosuna », donc « Maman, ne me tue pas », qui est donc un slogan pour lutter contre cette proposition d'introduction d'une clause de détection d'un handicap pour l'avortement. Et Yokozuka, dans ses écrits, fait énormément de références à l'Allemagne nazie pour condamner l'eugénisme qu'il voit derrière c'est la question des diagnostics prénataux. Juste pour un point de contexte, à l'époque, voir si c'était particulièrement vu comme particulièrement rétrograde par la société japonaise, l'avortement dans les années 70, la société japonaise s'en moquait, ça leur paraissait être un outil sans même parler du droit aux femmes de disposer de leur corps. C'était vu comment il y avait des tensions autour de cette question. Est-ce que Aoi Shibanokai finalement pouvait se situer on va dire dans une pensée commune à la société japonaise, ou est-ce qu'ils étaient plus Alors, il faut bien avoir en tête que la situation du Japon à ce moment-là est très différente de ce qu'on a connu en France, c'est-à-dire que l'avortement est tout à fait donc autorisé, enfin, bon, c'est sous c'est un certain nombre de conditions, mais notamment une condition de nécessité économique, donc c'est quand même très large. Donc, c'est tout à fait possible d'avorter au Japon. Et c'est tout à fait considéré comme étant quelque chose de malheureux mais nécessaire dans beaucoup de cas. C'est toujours le côté utilitariste finalement. C'est pas pour le coup, c'est vraiment pas le droit des femmes à disposer de leur corps. C'est une question de liberté de la femme, mais plutôt de dire bon, si vous n'avez pas les moyens de vous occuper d'un enfant, débarrassez-vous-en quoi. Oui, tout à fait. Non, la question du droit des femmes à disposer de leur corps n'entre absolument pas en ligne de compte. C'est toujours cette loi de 48 sur la protection eugénique qui ouvre l'accès à l'avortement. Et donc, cette loi, comme je l'ai dit, c'est plutôt une loi qui concerne le contrôle de la natalité, mais pour des raisons effectivement essentiellement économiques. Et la question du droit des femmes n'est absolument pas abordée dans ce cas-là. Donc, si on en revient à la situation du Japon des années 60, c'est une situation dans laquelle le Japon est connu dans le monde, a cette réputation d'être le paradis de l'avortement. Très bien. Et donc, à un moment donné, un groupe bouddhiste qui a une oreille à la diète, qui s'appelle Seicho no Ie, commence à évoquer l'idée que l'avortement, ça n'est pas bien d'un point de vue religieux. Et donc, ce groupe, justement, va pousser cette proposition de loi pour restreindre l'accès à l'avortement. Mais avant la fin des années 60, personne, ou en tout cas personne sur la scène publique, n'est vraiment contre l'avortement. Et donc, pour venir au deuxième volet de ma question précédente, donc sur les victimes de la pollution, est-ce qu'il y a eu là aussi des conjonctions ou pas du tout avec les mouvements d'handicapés? Alors c'est pareil, il finira par y en avoir, mais ça va prendre beaucoup de temps. C'est un petit peu la même chose qu'avec les mouvements féministes. En fait, Aoi Shibanokai a une rhétorique qui est très basée sur le fait d'assumer le handicap comme une identité. De dire « je suis handicapée, c'est ma particularité individuelle, c'est mon identité, ça me constitue en tant que personne et ça n'est pas un malheur et ça n'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement ce que je suis ». Et quand les membres d'Aoi Shibanokai ont des discussions avec des associations qui sont en lien avec les questions de pollution. Alors, on a des comptes rendus de rencontres, par exemple, qui nous disent qu'un membre d'Aoi Shibanokai va, par exemple, poser la question « Donc, vous militez contre la pollution parce qu'elle produit des enfants handicapés, donc vous considérez que être un enfant handicapé, c'est pas bien, donc vous considérez que les personnes handicapées ne devraient pas exister. » Donc, le membre de l'association écologiste dit « Oui, c'est bien ça. » Et donc, le membre d'Aoi Shibanokai dit « Dans ce cas-là, c'est pas possible de discuter avec vous. » Donc, la coopération avec ces associations ne va pas pouvoir se faire, en tout cas dans les années 70. Et il va même y avoir plutôt des frictions, et notamment aussi du fait... Alors, c'est dans les années 80, mais on a un autre épisode assez marquant où une association de lutte contre la pollution organise une exposition pour montrer les dégâts engendrés par la pollution. Et dans cette exposition, ils exposent côte à côte des photos de plantes, des photos de singes et des photos de personnes handicapées, tout ça mis côte à côte pour montrer, regardez le mal que produit la pollution. Et donc les membres d'Aoi Shibanokai n'apprécient pas du tout d'avoir la photo d'un enfant handicapé à côté de la photo d'un singe. Et ça crée une sorte de scandale. Et donc, à nouveau, une impossibilité de coopérer avec ce type d'association. Oui, on comprend bien toutes les tensions, en fait, à la fois sur les questions de reconnaissance, le besoin de reconnaissance en tant qu'individu à part entière et de ne pas être stigmatisé, finalement, par la société. Et en même temps, toutes ces autres problématiques qui se posent également. On ne va pas défendre la pollution non plus. Enfin, j'imagine, c'est toutes ces tensions qui ressortent. Donc nous avons parlé du rapport au mouvement féministe, mais je crois que tu as aussi travaillé sur la place des femmes dans ces mouvements. Effectivement, donc ce qui m'a amené à m'interroger sur la place des femmes au sein de ce mouvement, c'était justement ce conflit avec les mouvements féministes. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une passerelle naturelle entre les deux mouvements qui serait les femmes en situation de handicap ? Et donc, j'ai cherché où étaient les femmes en situation de handicap, ou plus exactement, à quel moment elles sont arrivées à quel endroit. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, au début d'Aoi Shibanokai, les membres de la direction sont uniquement des hommes et les femmes sont simplement à l'arrière pour le soutien logistique, comme dans les autres mouvements sociaux. Et donc, à tel point que au début des années 70, il y a en fait un sous-groupe féminin d'Aoi Shibanokai qui se crée, qui s'appelle Shippi Onna no Kai, qui est donc un mouvement qui en fait essaye de se désolidariser de la rhétorique misogyne de la majorité de l'association, qui essaye de se désolidariser un petit peu du discours des hommes de l'association et qui essaye de réfléchir à une manière différente de penser le militantisme. Et notamment, c'est cette association qui commence à parler un petit peu plus des questions de stérilisation, puisqu'en réalité, les victimes de stérilisation sont dans 90 et plus % des cas des femmes. Et finalement, à Uchibanoka, ils n'en parlaient que très peu. Donc, ce sont les femmes qui vont faire émerger ce nouveau sujet. Et puis, à partir de la fin des années 70, des années 80, donc, des femmes commencent à arriver à des postes de direction au sein de l'association. Et en fait, pourquoi des femmes arrivent à la direction à ce moment-là, c'est assez intéressant. C'est parce que en 81, c'est l'année internationale des personnes handicapées de l'ONU. Et à ce moment-là, certaines entreprises japonaises s'engouffrent un petit peu dans la brèche et disent « Nous, on va faire quelque chose, de généreux à l'occasion de cette année des personnes handicapées. On va donner de l'argent, on va créer des bourses qui vont permettre à des gens du mouvement des personnes handicapées japonais d'aller aux États-Unis rencontrer des personnes du mouvement des personnes handicapées américains. » Et donc, finalement, parmi les personnes qui vont recevoir ces bourses pour aller aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes. Et ces femmes-là vont revenir au Japon en ayant une expertise du fait qu'elles ont passé du temps aux États-Unis, qu'elles connaissent des méthodes américaines qui ne sont pas connues au Japon, qu'elles vont pouvoir introduire au Japon. Et en plus, elles parlent anglais, donc elles vont être beaucoup mieux placées pour toutes les activités de coopération internationale. Et donc, c'est ça qui va permettre finalement que plus de femmes arrivent à des postes importants au sein du mouvement japonais. Et donc, ça va se faire au début des années 80. D'accord. Donc, depuis 2018, à peu près, peut-être un petit peu avant, tu as commencé une nouvelle enquête sociologique. Et donc, cette fois-ci, tu t'intéresses aux questions d'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, bien là encore, l'objectif de ton enquête et comment est-ce que quelle est la méthodologie que tu emploies, quels sont tes interlocuteurs dans le monde du travail japonais, là encore? Alors, c'est une enquête qui est en fait un petit peu en deux volets, puisque comme pour le système éducatif, il y a eu des réformes récentes dans le but de promouvoir donc l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises ordinaires, puisqu'avant, la plupart des personnes handicapées travaillaient dans des ateliers spécialisés où il n'y avait que des travailleurs handicapés. Et généralement avec un salaire qui était inférieur au salaire minimum. Ça dépend, il y a différents types d'ateliers. Mais l'idée est de promouvoir plutôt l'emploi dans des entreprises ordinaires, avec l'idée que ça permet aux personnes déjà d'avoir accès à un meilleur salaire, et puis en plus que ça favorise leur intégration sociale donc générale. Et puis, il y a peut-être un autre objectif moins avoué, qui est que le Japon est en train de faire face à une pénurie de travailleurs. Donc, on a envie d'avoir des travailleurs supplémentaires. Donc, en tout cas, on a eu cette réforme qui s'est faite progressivement. Juste pour t'arrêter sur la pénurie de travailleurs, je veux pas dire de bêtises, donc tu me corriges si je me trompe, mais est-ce que cette pénurie frappe plutôt les travailleurs peu qualifiés ou les travailleurs qualifiés? Alors, elle frappe d'abord les travailleurs peu qualifiés, mais pour les travailleurs qualifiés, on va commencer aussi à être face à... Donc, ces ateliers spécialisés, tu me disais, ont plus tendance à proposer des travaux qui demandent peu de qualifications, si j'ai bien compris. Alors, oui, tout à fait. Hein. C'est plutôt pour du travail... un peu répétitif en général. D'accord. Type travail à la chaîne, type mise en sac de légumes ou ce genre de choses. Ok. En tout cas, on a un petit peu ces deux mondes du travail qui sont séparés. Il y a d'un côté le milieu spécialisé protégé et puis de l'autre côté le monde du travail classique. Pour mon enquête, enfin pour mes enquêtes, parce qu'en fait j'essaye de faire deux enquêtes, je me suis dit que c'était intéressant de regarder d'un côté ce qui se passe dans le milieu protégé et d'un autre côté ce qui se passe dans le monde du travail ordinaire. Alors pour le milieu protégé, en fait, je vais visiter des ateliers protégés, je fais aussi des interviews à la fois de travailleurs dans ces ateliers et de personnes aussi de personnes qui... quand on dit personnes qui travaillent dans ces ateliers, ça veut dire deux choses différentes. Il y a les personnes handicapées qui sont travailleurs handicapés dans les ateliers, mais il y a aussi des personnes qui les aident, en fait, pour l'accomplissement du travail, qui servent à la formation ou à l'organisation de l'atelier, ce genre de choses. Donc, je fais un petit peu des interviews de ces différentes personnes. Et puis, pour ce qui est du monde du travail ordinaire, donc là, je fais directement des interviews de personnes handicapées en emploi. En fait, j'ai fait une enquête surtout sur les travailleurs handicapés qualifiés, puisque avec le développement de l'éducation ordinaire, il y a aussi des personnes handicapées qui vont à l'université. Et donc, je me pose la question, que deviennent ces personnes handicapées diplômées de l'université ? Est-ce que finalement, elles arrivent à s'insérer dans le monde du travail comme n'importe quel diplômé de l'université, ou est-ce qu'elles ont des trajectoires un petit peu spécifiques du fait du handicap ? Et donc, j'ai fait quelques interviews, j'ai fait une quinzaine d'interviews pour le moment, de travailleurs handicapés diplômés de l'université. Et donc, je leur ai posé un petit peu des questions sur leur parcours professionnel, déjà leur insertion à la sortie de l'université, ou aussi leur éventuellement dans le cas des personnes qui ont acquis un handicap après avoir été déjà embauchées dans une entreprise, qu'est-ce que ça a changé dans leur carrière d'avoir acquis ce handicap. Et bon, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, globalement, les travailleurs handicapés dans les entreprises ordinaires ne se sentent pas traités comme des employés comme les autres. Notamment du fait qu'ils n'ont pas du tout la même mobilité de carrière que les autres employés. Donc, leur employeur va souvent rechigner à leur donner des postes à responsabilité, toujours en mettant en avant le fait que c'est pour la sécurité ou ce genre de choses. Non, dans ce poste-là, il faut absolument faire beaucoup de voyages professionnels. Donc, vous, comme vous ne pouvez pas voyager, bon, on n'explique pas vraiment si la personne peut voyager ou pas, mais bon, vous ne pouvez pas voyager, donc on ne vous donne pas ce poste. Sachant qu'au Japon, pour les gens qui y sont déjà allés, je pense que sans sont rendus compte, mais faut savoir que les villes japonaises, enfin peut-être pas dans les petites rues et tout, mais on va dire dans les grands centres, notamment par exemple de Tokyo, Osaka, ou même dans des villes plus petites, il y a énormément d'aide en fait aux personnes handicapées, notamment sur le sol. On va à chaque fois souvent avoir des marqueurs pour permettre aux personnes aveugles de se déplacer. Les stations de métro, les stations de train, enfin les gares vont avoir des ascenseurs. Bon, pour ceux qui connaissent les villes françaises, notamment Paris, c'est vrai que le métro est un enfer à naviguer dès qu'on a un petit peu des problèmes à se déplacer. Donc c'est vrai que ces arguments du déplacement au Japon perdent, j'imagine, un petit peu de leur... déjà qui sont paraissent hypocrites, en tout cas perdent encore plus de leur force. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, ce sont les arguments qu'on donne. Et puis parfois il y a pas d'argument du tout. J'ai rencontré plusieurs personnes, souvent d'ailleurs des gens qui ont démissionné du poste en question ou qui pensent très fortement à démissionner, qui me disent en réalité, mon employeur, mon patron ou mes collègues ne me donnent pratiquement pas de travail, parce qu'il faut savoir que les entreprises, maintenant, il y a une politique de quota d'emploi des personnes handicapées. Et donc, les entreprises sont tenues d'employer des personnes handicapées. C'est une obligation face à la loi. Et donc, un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées m'ont dit « Moi, j'ai l'impression que mon entreprise m'a simplement embauchée pour remplir son quota, mais qu'à aucun moment, on a eu l'intention de me donner du vrai travail. » Et donc, j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disaient « Dans mon ancienne entreprise, pendant un an ou pendant deux ans, les gens ne me parlaient pas. J'étais simplement tout seul dans mon bureau. On ne me donnait pas de travail à faire. Je faisais des jeux sur Internet toute la journée. Et donc, au bout d'un moment, j'ai démissionné. » J'imagine de l'autre côté, les entreprises, pas toutes évidemment, mais certaines vont de l'autre côté se servir du fait qu'elles emploient des handicapés pour faire de la publicité finalement, pour dire... Est-ce qu'il y a ce type de cas aussi où on va se servir finalement de ça pour mettre en avant le côté inclusif de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui un cas dans mes interviews qui m'a particulièrement marqué, c'était justement une personne qui s'est retrouvée comme ça, empêchée de travailler en quelque sorte. Et empêcher de mettre en pratique ses compétences, parce que c'était quelqu'un notamment qui parlait couramment français. Donc, on ne lui a jamais donné le moindre travail en rapport avec la langue française. Elle voulait travailler en lien avec l'Afrique francophone. On ne l'a jamais laissé faire ça. Et c'était donc, pas dans une entreprise, mais dans une grande organisation de coopération internationale qui a justement un certain nombre de programmes pour aider des personnes handicapées dans des pays d'Afrique, par exemple. Et donc, là, effectivement, la personne que j'ai interviewée était un petit peu sidérée par l'hypocrisie de la chose. Donc, cette organisation qui se présente comme étant un peu une organisation de bienfaisance et qui finalement va traiter ses employés handicapés d'une manière qui est quand même très discriminatoire par rapport aux autres salariés. Donc, il y a tout évidemment des questions d'exploitation des handicapés qui se jouent, j'imagine, notamment dans les ateliers spécialisés. Est-ce que tu as pu en déceler ou est-ce qu'au contraire, tu disais tout à l'heure que les salaires étaient moins élevés que pour les travailleurs non handicapés? Alors, effectivement, alors je suis un peu... partager. Alors là, je vais vous livrer peut-être quelque chose d'un peu subjectif parce que c'est une enquête qui est en cours et je n'ai pas encore de conclusion scientifique vraiment sur le sujet. Donc c'est peut-être un peu plus un ressenti subjectif là que je vais avoir. Je suis un petit peu partagée par rapport à ces ateliers puisqu'effectivement, le discours de ces ateliers... C'est effectivement de dire qu'on va donner un travail à ces personnes dans le but de leur donner un sentiment d'utilité sociale, puisqu'il y a cette idée que dans la société japonaise, le travail fournit une identité sociale à la personne, fournit un cadre de sociabilisation, fournit le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile. Il n'y a pas que dans la société japonaise qu'on a cette idée-là. Et donc, les ateliers, en fait, sont vraiment fondés sur cette idée. On donne aux personnes handicapées une occasion de faire quelque chose de leur journée, alors que peut-être s'il n'y avait pas ces ateliers, elles seraient simplement toutes seules chez elles, à la maison, à ne rien faire. Donc, il y a cette idée qui est très forte. Et en même temps, le quotidien de ces ateliers. Alors, certes, il y a toute une sociabilité. Il y a des gens qui se font un petit peu des amis à l'atelier, qui sont contents d'avoir cette sociabilité. Mais le travail qui est accompli, donc c'est essentiellement du travail à la chaîne, donc de la mise en sac de légumes, de la mise en sac de petits bonbons, ce genre de choses. Finalement, pour un salaire qui est très inférieur au salaire minimum, et donc je me pose la question du sens ou de la place de ces ateliers dans la chaîne de valeur économique, parce que ces ateliers en fait font généralement de la sous-traitance pour des entreprises, pour des PME des environs par exemple. Dans ce cas-là, effectivement, on se dit les entreprises qui sous-traitent à ces ateliers effectivement vont pouvoir sous-traiter à un coût de main-d'œuvre qui est immensément moins cher que si c'était des personnes travaillant au salaire minimal. Donc, je me pose la question du modèle économique qui est sous-tendu par ces ateliers. Alors, je précise que ça n'est pas le cas de tous les ateliers. Il y a aussi des ateliers, par exemple, qui sont, surtout pour les personnes qui ont un handicap mental, il y a beaucoup de petites boulangeries, donc où on fait fabriquer du pain par des personnes qui ont un handicap mental. C'est un métier qui est très courant pour les personnes qui ont un handicap mental au Japon. D'accord. C'est un petit peu surprenant d'un point de vue français, mais au Japon, c'est vraiment très courant. Mais en tout cas, au Japon, il va y avoir ces ateliers où on fabrique du pain et puis ensuite on le vend directement aux habitants du quartier. Et donc ça crée un lien entre les personnes et les habitants du quartier. C'est aussi quelque chose qui fonctionne tout à fait bien. Donc je ne suis pas du tout en train de dénoncer l'intégralité du système. Il y a des ateliers qui sont tout à fait ouverts sur l'extérieur et insérés dans un modèle économique qui est simplement celui du circuit court. Donc, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai décrit précédemment. Très bien. Avant de conclure, je voulais juste savoir si quels étaient tes projets futurs. Déjà, pour cette enquête, tu penses pouvoir la terminer d'ici quand ? J'essaye d'en faire un petit bout chaque année, donc je vais essayer d'en refaire un petit bout là au printemps, mais je pense qu'il me manque encore peut-être une session ou deux sessions d'interview pour pouvoir dire que j'aurai vraiment terminé. D'accord. À quel autre sujet souhaiterais-tu t'intéresser dans les années à venir ? Je crois notamment que les Jeux Olympiques de Tokyo se prêtent aux questions autour du handicap. Oui, tout à fait. Puis je pense que on va entrer dans une année où le monde entier aura les yeux braqués sur le Japon. Donc je pense que c'est très important que le monde des études japonaises se saisisse un petit peu de cet objet que sont les Jeux Olympiques de Tokyo. Et dans mon cas, je m'intéresse particulièrement aux Jeux paralympiques qui sont beaucoup mis en avant justement par le comité d'organisation. On ne cesse de dire que ce sont les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Mmh. On met vraiment les deux sur le même plan dans le discours. Il y a beaucoup d'activités de préparation qui sont mises en place. On parle beaucoup plus aussi du handicap dans les médias que ce qu'on faisait précédemment. Il y a aussi des travaux qui sont organisés. Donc, ça m'intéresse beaucoup de regarder comment ces jeux sont préparés. Et puis surtout, ça m'intéressera beaucoup de savoir comment ils vont se dérouler et éventuellement quel impact ils vont avoir, puisqu'on a l'impression que pour le moment, on a un grand tourbillon de promotion du handicap et de promotion des personnes handicapées. Et donc la question, c'est aussi, est-ce que ça va durer après 2020 ou est-ce que ça va simplement retomber parce que c'était juste pour cet événement ? Donc je pense que ça, c'est une première direction qui m'intéresse beaucoup pour la suite de mes recherches. Et puis, dans un deuxième temps, un petit peu plus sur le long terme, alors je me suis beaucoup intéressée pour le moment à la vie des personnes handicapées réelles, mais je pense que ce serait intéressant aussi de s'intéresser à la représentation des personnes handicapées, la représentation notamment dans les médias. Donc, puisque c'est quand même ça qui forge pour beaucoup l'image que la société va avoir du handicap. En tout cas, c'est un vecteur important. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'étudier ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de la représentation. Donc, nous allons clôturer cet entretien sur ces dernières questions futures. Donc, je te remercie encore. Merci donc, à toi. Je remercie Anne-Lise Mitou pour avoir participé à cet entretien. Vous trouverez une bibliographie indicative à la fois des travaux d'Anne-Lise et du sujet dans la description de l'enregistrement. Je souhaite, pour terminer, également remercier l'INALCO et Thierry Dikin pour avoir rendu possible cet enregistrement. Donc merci pour votre écoute et à très bientôt.